que ben avant, lorsqu'ils allaient faire leurs courses, ils allaient dans les supermarchés, ben, tout ce qu'ils voulaient, ils prenaient. N'importe quoi, ils prenaient sans regarder les prix, sans comparer les prix entre supermarchés, entre produits du premier prix, produits de marque, etc. Ils voyaient quelque chose de bien, mettaient dans leur caddie, remplissaient, arrivaient à la caisse, ça pouvait faire 120 euros, 180 euros, 200 euros, pour eux, c'était la même chose, peu importe. Maintenant, ces mêmes personnes, ils disent que maintenant qu'on va, déjà pour faire les courses, on compare les prix. Et deuxièmement, on prend les choses, on prend uniquement ce qui est nécessaire. Et ce qui est encore mieux, c'est que ces personnes disaient que, ils disent maintenant que lorsqu'on fait cuire à manger, si le manger a resté, s'il reste du riz, ben on rechauffe et on remange le lendemain. On ne jette plus la nourriture. Et avant, on donnait peut-être aux pauvres, mais on donnait parce que c'était soit donner aux pauvres, soit jeter. Ce n'était pas donner avec un élan de générosité, ce n'était pas ce genre de don là. C'était quand manger, il reste, ben on donne aux pauvres, hein, pour ne pas jeter, ou pour ne pas donner le chat. Il n'y a pas de chat, il y a des pauvres. Hein, c'était un peu ça. Excusez-moi, c'est caricatural, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent la sadaqa comme se débarrasser. Je donne mes vêtements usés, je donne le manger moisi ou qu'on ne mange plus, je donne telle chose qui est périmée. C'est pas ça, sadaqa. On n'atteindra jamais la piété tant qu'on ne donnera pas de ce qu'on aime. Quand vous donnez notre sadaqa, donnez de l'argent pur. Quand vous donnez notre sadaqa en nature, en nourriture, ou en vêtements ou autre chose, donnez ce qui est bon, ce qu'un pauvre n'aura pas honte de mettre, qu'il ne se sente pas amoindri, qu'il ne se sente pas vraiment déconsidéré, vous lui donnez des déchets. D'accord ? C'est pas comme si vous donnez des vêtements usés à la Croix-Rouge. Non, quand on donne quelque chose avec une niyat de sadaqa, ça doit être quelque chose de bon, hein, quelque chose qui est encore utilisable ou qui est encore mangeable. Un certain asatiza, professeur, qui disait que cet exemple qu'on a déjà cité, dit que lorsqu'on donne à manger aux pauvres, comment on doit donner ? C'est lorsque le repas vient d'être cuit, vous tirez une portion, vous appelez le garib, le pauvre ou le SDF, peu importe, et vous lui donnez tout de suite. C'est-à-dire quand il va manger, au même moment que vous allez manger à table, il va manger lui aussi. C'est pas que lorsque le manger est resté, madame, enfant l'a mangé, la rechauffe le soir, la re-resté, là vous donnez au pauvre. Non, là, Allahu a'lam, est-ce qu'il y a récompense dedans? Mais en fait, on n'a pas fait avec niyat de sadaqa. C'est vraiment pour se débarrasser. Le vrai, quand on dit ifa'am ou ta'am, donner à manger aux gens, c'est soit vous appelez les gens chez vous pour partager le repas, si on n'a pas la possibilité de le faire. Le jour, on est tellement méfiant, on voit un ennemi, on voit un terroriste chez tout le monde, c'est un peu ce que les médias ils essaient de nous faire comprendre, ce qui fait qu'on a peur, on n'amène plus les gens chez nous. Allez, si on a peur vraiment, si on suit le mode de vie de certains, on a peur de tout le monde, ben, dans ce cas, si on donne à manger aux pauvres, quand le manger est prêt, quand le biryani est prêt le dimanche, quand il dit qu'il casse le biryani, quand il casse, ben, vous tient une portion, vous donnez à quelqu'un nécessiteux. Et puis, vous, en même temps, vous partagez à la famille. Il ne faut pas croire que si le contexte est favorable, le cœur est apaisé. C'est faux, ça. Il y a des gens qui ont tout. Tout. L'honneur, les richesses, les biens, etc. Mais ils n'ont, dans ce dunia, bien sûr, mais ils n'ont pas la tranquillité du cœur. Vous comprenez bien. Ce n'est pas parce qu'on est dans une maison qui est plaquée or, avec des rubis, avec une voiture, je ne sais quoi, que forcément, dans mon cœur, j'aurai la tranquillité. La plupart du temps, c'est le contraire. On a déjà expliqué mille et une fois, les grands footballeurs, les stars, les grands je ne sais quoi, qui sont riches, qui ont tout, à moi, gloire et beauté, tout ce qu'il faut, mais ils se droguent, ils font n'importe quoi, parce qu'ils ne trouvent pas la quiétude, le format nina de le cœur. Vous voyez, lorsque le prophète sallam, il met en garde qu'on ne fait de gaspiller l'eau, même pour faire le vaudou. Hein. Les gens, on voit des gens qui prennent, ils font le vaudou, c'est comme si ils vous font votre roussel. C'est vrai, il y a des gens qui font vaudou, quand ils vous baignent, ils vous disent, mais pas comme moi, je ne fais pas mon roussel maillette encore. Ils éclaboussent tellement l'eau, pourquoi éclaboussent? Parce que l'eau est ouverte tellement fort que ça vole partout à la fin. C'est-à-dire que c'est comme des lavages automatiques là, à 8 euros. Vous restez là et tout juste la main au rouleau, il vous fait votre vaudou. Il y a beaucoup de israf, beaucoup de dépenses, hein, dans beaucoup de gaspillage d'eau dans le vaudou. Alors que le prophète m'a dit que, walaw kunta ala nahrin jarin, même si vous faites le vaudou, auprès d'un fleuve qui coule. Auprès d'un fleuve qui coule, là aussi ne gaspillez pas l'eau. On va dire, c'est impensable, quelle différence entre prendre deux moques d'eau et une moque d'eau auprès d'un fleuve qui coule. C'est une goutte sur un milliard de mètres cubes d'eau. Même ça, il faut faire, même si l'eau ne diminuera pas, mais c'est une question d'éthique. Pas de gaspillage dans le dîn. Que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour la nourriture, hein, toujours le juste milieu.